Je suis issu de cette génération. Scorpix dans la peau de Tony. Génération Scarface, tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. J'apporte la rue avec ses péripéties, signé persiste pour l'argent sale, rare le propre qui rétrécit. Et tout en restant bien conscient des risques, même si leur supérieur y gagne, sache que la police te pique. Mystère sur les tubes de la poule d'arpin. Jamais de numéro de clientèle dans mon calepin. Le vice calpin, la couverture en place et place au business. Deuxième classe, petite caisse, c'est totalement je brave, mes ennemis je blesse. Fleetness, l'assistance tech tourne aux abords de mon commerce. Me demande d'arroser bon pour qu'ils me laissent. Si je refuse, ils me testent et les envoient chier. Stingulé, sous aucun prétexte, les laisserai me tenir en laisse. La plupart de mes concurrents extorquent. D'entre la coque, ils troquent pendant que mon équipe poursuit l'import-export. Couillis export, ne jamais dépendre de ton escort. Allo, c'est OM, y'a transaction, 11h13 au port. Les gros billets pour emblème, même les bourges même. Non pour ma personne mais pour tout ce que j'ai. Voilà le blême jusqu'à plus voir le risque. Puisque le fisc insiste pour que mon réseau ait le sol bien visqueux. Alors où mon chantier est abyssé, le putain de razzia. Merde les flics. Sa preuve m'amène au commissariat, me questionne sur le boss. Mon cash, il se fâche, m'attache. Reste diplomate, mon col en gauche m'attache. Vol, braquage, tout ça pour de nouveaux ports d'attache. Ici les gens libres, on peut domestiquer, sont des sauvages. Cette affaire, il faut le fuir. Par tous les moyens que le chemin se construise. Excusez-moi madame, le juge, je l'ai fait comme un sortir. Génération Scarface, tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. Génération Scarface, tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. Génération de fous, de niqués, de dingues et de gangsters. Triche avec les flûtes, on les fout. Génération Scarface, on a tous fait une sous. Fin de ci, fin de ça, on veut ci, on veut ça. Et tout ça ici à notre portée. Car t'arrives à tout comme tu portes tes couilles. À force d'être ici, aigri, de gré ou de force, on se crie gras. Pour rail grand, on voit grave grand, court après le gain, la foule bande. On se crée des gangs, des chills, des plans, des trucs de fou. On n'a pas le choix, on sera pas sauvé par le gang. Et si t'es pris, tu tombes, une seconde, chut. N'est-ce pas nos morts dans leur tombe. La vie comme un couteau qui te plante, la mienne que tu croyais qui te vend. La femme que t'aimes qui te quitte, tout s'écroule devant toi comme un château de cartes. Comme si tout jouait sur une partie de poker. Et toi donner le pourrir, te faire ouvrir la joie, grandir le sourire. Dans les rues ça te gâte, guette les flics guettes. Plus que jamais le braquage nous tente. Tu sais ici dur de remonter la pente. C'est pour tous qui sont sombrés. Génération Scarface pour les anciennes, les anciennes. Génération Scarface pour les gangsters, les fauchés, les gangsters. Génération Scarface. Génération Scarface. C'est pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. Génération Scarface, tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. Génération de prox ou tox, tox luxeux, gangster à la gâchette facile. A assister hier, j'serai braqueur brink, stealer de luxe, merde. Remercie l'enfoiré qui m'attend du premier tas. A toi le cas, autour de parc 16, viré dans le temps. Tous placés dans un sac, époque de fou. Des apprentis rêveurs, des rêveurs mal partis. Sale partie de flingue, à chaque coin de rue, pourquoi ça a l'air le point. Une passe dans les jambes, c'est gratuit. Chose stupide, chose stupide. Il contrôle ses pulsions sous extra ou croc, hein, comme hier. Il hein. Dur à cuire, avec mon 3/4 en cuir. Prends l'air d'un braqueur sans vergogne. Truant sans scrupule, flambeur des dames. Tu pour l'honneur, calé à mort, réveillé alors. Seul fric a de la valeur, alors où je te parle, seul m'aura pas de la valeur, tu fais que pour le mettre en valeur. Malheur, si on perd le vrai du faux. Merde, carré bouche un deal. Bordel, on vexe, vulgaire quand parle sec. Mec, laisse. Génération Scarface, tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. Génération Scarface, tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface, on donne sans défense pour éviter la souffrance de nos pas. Je suis de cette génération. Je suis de cette génération.